Bonjour, je vous remercie de m'avoir invité et de m'avoir proposé de participer à ce séminaire. I'm going to try to say a little, some sentences from time to time in English, but all in English. It will be difficult, so I'm sorry. I apologize. No need for you to make exceptions. Thank you very much. My loss. Alors, donc j'ai envoyé ce papier qui est un papier un petit peu, voilà, qui est un draft, qui résume une enquête qui a été menée entre 2006 et 2009 dans le cadre d'un programme ACI, donc dirigé par Thierry Delpech, et qui était consacré à l'origine à la question du recours aux normes et aux droits par les acteurs économiques. Dans la période de transition en Russie. Alors, on a mené sur la partie russe, en fait, parce que c'était une étude comparative aussi sur les pays d'Europe centrale et orientale. Sur la partie russe, on a mené cette étude à trois. Donc ça, c'était particulièrement intéressant. Donc moi, qui suis sociologue, Gilles Favarel-Garrigue, qui est plutôt politiste, et Aurore Chéniaud, donc de Nanterre, l'université de Nanterre, qui, elle, est juriste. Tous les trois intéressés par cette question du crédit et de l'endettement. Donc on a mené cette enquête donc entre 2006 et 2009, particulièrement à partir d'entretiens, en fait. Entretiens, et puis aussi recours à des matériaux, enfin de la littérature professionnelle, des extraits aussi d'articles de journaux, etc. Ce qui nous a intéressé donc dans cette, alors on a fait je sais plus combien d'entretiens chacun, mais sur la somme on a dû faire je sais pas moi 70 entretiens peut-être en tout sur cette période donc de 2006-2009. Alors auprès de différents types d'acteurs, donc on a auprès de managers dans des banques, auprès de chefs d'entreprise, auprès aussi de professionnels du droit. Avocats, juristes, notaires, huissiers. Et dernière section, plus dans l'exécution, dans le domaine de l'exécution, c'est-à-dire debt collection. Les huissiers, mais aussi les agences privées de collecte des dettes qui en Russie ont été assez importantes dans les années, enfin qui ont occupé une part importante de la prise en charge de la collecte des dettes. Donc voilà. Alors, ce qui c'est ce qu'on a mis en évidence, le contexte, peut-être. Je vais commencer par le contexte et puis après j'en viendrai aux différents mouvements qu'on a vus apparaître à travers cette enquête. Le contexte, malgré tout, donc dans la Russie, notre enquête elle porte sur le début des années 2000, donc c'est plus vraiment la Russie en transition dans les années comme dans les années 90. Mais malgré tout, c'est une période de croissance assez forte, les années 2000, une période de croissance considérable du crédit, une période de diminution des taux d'intérêt absolument considérable, une période en même temps de réduction de l'inflation. Donc, c'est une période de développement du crédit qui est considérable et très rapide, en fait. C'est ça qui est très surprenant, c'est cette rapidité de la croissance du crédit. À partir précisément même de l'année 1998, où il y a un krach financier en Russie qui bloque complètement toutes les opportunités de profit pour les banques, opportunités de profit sur les marchés financiers, et puis sur les activités de négoce de devises, en fait. Et du coup, les banques se redéploient, en fait, massivement vers l'activité de crédit à partir de cette date de 1998. Et du coup, ce qui est intéressant à voir dans ce contexte, c'est ce passage brutal entre une période de pénurie totale de crédit des années 90, où le secteur bancaire se développe complètement en parallèle des entreprises, c'est-à-dire que les entreprises n'ont quasiment pas recours au crédit bancaire qui atteint des taux absolument considérables, enfin des taux usuraires pratiquement, et où les entreprises se développent alors avec qu'on peut appeler du crédit informel, alors même si ce terme est tout à fait contestable et c'est, il recouvre des réalités très variées, mais c'est du crédit extra-bancaire en fait. Pratique, enfin de façon, on parle des PME bien sûr, pas des grandes entreprises. Donc un crédit extra-bancaire, une soif de crédit qui pousse les entreprises à développer le crédit inter-entreprise de façon considérable, le développement du troc même de façon aussi très importante. Donc ça dure jusqu'aux années, fin des années 90. Et brutalement, donc, après ce krach de 1998, on a un développement du crédit bancaire, une expansion très rapide qui vient de ce que les banques se retournent vers le marché du crédit, qui apparaît comme une source de profit nouvelle pour elles. Et donc, on a une sorte de développement du crédit et aussi en même temps de rationalisation du secteur bancaire. Et moi, c'est ce que j'ai observé de la façon la plus manifeste. Donc, développement, expansion du crédit, développement du secteur bancaire qui se consolide, qui se concentre, qui s'institutionnalise. Et donc, dans ces conditions-là, ce qui nous a intéressé, c'était comment les banques pouvaient faire face à cette demande massive de crédit dans un contexte de massification du marché du crédit et de développement des structures bancaires. Alors, il faut rappeler que le secteur bancaire est extrêmement concentré en Russie, qu'il y a quelques acteurs qui sont des acteurs de poids, il y a 4, 5, 6 banques qui ont des antennes fédérales et ensuite qui se développent sur les territoires de la Russie. Et puis après, il y a parallèlement à ça, il y a une sorte de structure de micro... disons des banques un petit peu régionales, qui sont d'ampleur et de surface beaucoup plus fragile en fait, beaucoup plus faible. Et du coup, face à cette structure du secteur bancaire, face à cette explosion du crédit, face à cette croissance économique aussi qui nécessitait ce développement du crédit, ça a été très intéressant de voir comment est-ce que les banques faisaient face à ce nouveau type d'activité et comment est-ce qu'elles résolvaient la question de l'information, des garanties, du contrôle du risque, en fait, qui jusque-là était et se faisait, alors comme Alia Gousseva en parle pas mal, se faisait à travers des réseaux d'interconnaissance ou ce qu'elle appelle des ancres, c'est-à-dire à travers des structures sociales plus fermées que dans une situation, dans une configuration de massification du crédit et de développement du système bancaire où finalement les gens qui vont demander du crédit dans les années 2000 ne connaissent pas forcément le banquier, ne connaissent pas, il n'y a plus d'interconnaissance qui joue là-dedans. Donc c'est un petit peu ça qui nous a intéressés à travers cette enquête. Je vais essayer peut-être de traduire dire quelques mots. Maybe I'll try to sum up what I try to express. Our topic was to develop, to study the explosion of the credit market to consumers, but especially to firms. In the context where in Russia, during the 1990s, there was all the banking sector was oriented to on the, was got his profit from the financial markets, and after the crisis of the 1998, the banking sector began to develop credits to consumers and to firms in a massive way. So our topic was to study how did this banking sector coped with the problem of information, of trust, and how can we lend, at what conditions, to who, and that was the topic of our study. And what was, I continue in French maybe. Donc ce que nous avons observé donc dans cette enquête, c'est l'introduction de ce que, qui est décrit aussi assez largement dans la littérature américaine, mais de façon bien plus précoce, l'introduction des techniques de risk management avec plusieurs aspects. Donc effectivement, une rationalisation économique à travers la mise en place du calcul du risque avec des techniques de scoring, de rating du risque. Donc ça, c'est un élément qui est assez développé. Alors, je pourrais peut-être revenir sur, ces, sur, cette, sur cet aspect-là un petit peu plus tard. C'est-à-dire l'utilisation de ce scoring, enfin, il y a plusieurs usages, en fait, que nous avons identifiés. Mais ce qui nous a semblé le plus important et le plus intéressant peut-être, et qui est peut-être moins décrit dans la littérature, c'est en parallèle un processus, en parallèle à cette rationalisation économique, c'est-à-dire au début du, de l'introduction du risk management et du calcul du risque, nous, ce qui nous a paru plus intéressant à mettre en évidence, c'est un processus de rationalisation juridique, c'est-à-dire, et qui pèse très lourd dans l'activité des managers du crédit, rationalisation juridique, c'est-à-dire toutes les une mise en place de procédures pour identifier juridiquement, certifier l'existence des biens, des personnes et des relations entre ces biens et ces personnes, et puis aussi homologuer les biens qui étaient placés en garantie. Donc finalement, ce processus de rationalisation juridique, c'est ce qui nous a paru le plus intéressant et le plus significatif quelque part dans ce processus de risk management et qui nous a paru assez intéressant à mettre en évidence. In this context of the expansion of the credit and the explosion of the credit, we show in our research and our research, we show that there is the introduction of the risk management in the banking practices of the risk managers and the credit managers. But what was the most interesting for us was to discover and to show process of identification that was very interesting to us, because usually Russia is described as a country where the rule of law is very weak. Yes. And what was very interesting for us was to discover that, on the contrary, the rule of law is strengthening, and the actors use it as not only as a necessary process, but also they refer it as something that is essential to their practice of giving the credit to customers and to firms. That dimension that we tried to study. Donc cette rationalisation juridique, effectivement, elle est assez contradictoire et un petit peu étonnante pour moi non, parce que effectivement j'avais étudié ça avant, mais par rapport à la littérature courante sur la Russie et les représentations diffusée sur justement la faiblesse de la loi, cette rationalisation juridique, elle nous a semblé vraiment intéressante à étudier et à mettre en évidence de façon précise comment elle s'opère, par quels acteurs. Et de ce point de vue-là, on a montré que la banque joue un rôle important dans la juridicisation des relations économiques. Et ça, c'était assez intéressant à voir. Alors, outre la banque, qui est un acteur de cette juridicisation des relations économiques, cette question du crédit et cet développement et expansion du crédit a donné naissance et a promu le développement de tout un tas de professions juridiques. Alors, bon, les avocats, mais aussi les notaires qui effectivement apparaissent comme un acteur dans les relations économiques importantes, surtout pour ce qui concerne l'enregistrement du droit de propriété. Donc voilà, mais tout un tas de un halo de professions juridiques qui faisaient dire à certains de nos interlocuteurs, parce que ça c'est assez surprenant, c'est assez paradoxal, la phrase suivante, la Russie est un pays de juristes, ce qui paraît tout à fait étonnant comme phrase a priori. Voilà. Ça c'était assez drôle d'entendre ça. Enfin, le problème, c'est que les juristes, c'est pas les mêmes que ceux qu'on a, auxquels on pense d'habitude. Voilà. Mais bon, néanmoins, voilà. Donc, une professionnalisation de ce secteur donc du crédit, une juridicisation est absolument centrale et dans les processus d'identification des gens, d'homologation des biens et de certification de l'existence des biens, des marchandises, des droits de propriété, etc. Voilà, donc ça, c'est cette dimension juridique, elle m'a paru assez importante à souligner. Et alors, il me semble que, et ça, je pense que ça, c'est peut-être l'orientation dans laquelle je voudrais faire évoluer mon papier, même si c'est pas très facile à étudier, que cette juridicisation, elle s'intègre aussi dans un processus international, je pense, qui recoupe une partie d'une littérature assez importante d'harmonisation financière, sur l'harmonisation financière et sur la... Voilà, l'homogénéisation des structures financières internationales. Et ça, c'est vrai que on voit quand même que le rôle de la législation sur le blanchiment d'argent international, par exemple, à travers le GAFI, et puis tout un tas de réglementations, le processus de Bâle aussi, avec les normes prudentielles, ont un rôle important, alors qui passe par la Banque centrale. Et c'est pour ça que moi, j'aime pas trop parler d'une autonomisation du secteur financier par rapport aux structures politiques, parce que ce qu'on montre, c'est qu'au contraire, il y a un passage et une reformulation de ces impératifs par les acteurs locaux, enfin nationaux, et tout particulièrement la Banque centrale de Russie, qui a profité de cette réglementation pour renforcer son contrôle de façon très manifeste sur le secteur bancaire, qui était totalement défaillant dans les années 90. Il y a eu une série d'effondrement, de krach bancaire, de faillite, de scandale dans les années 90. Mais là, dans les années 2000, elle renforce de façon très très notoire son contrôle sur le secteur bancaire par l'intermédiaire de ces normes internationales, de règles prudentielles, tout un ensemble de halo de réglementations financières internationales qui s'imposent de façon assez rapide finalement et qui transforment assez rapidement la pratique des acteurs sur le terrain. Donc voilà, donc ça, cette dimension d'internationalisation ou alors de renforcement du contrôle de la Banque centrale de Russie au travers de ou grâce à ces normes internationales, elle me paraît assez importante et elle se voit très très de façon très nette dans les pratiques des acteurs locaux qui nous disent tous, alors dans les banques, oui, mais ça, c'est réglementé par la Banque centrale, c'est l'instruction, ça, nanana. Donc il y a un processus de formation des acteurs qui est très très fort, qui se fait vraiment, et de renforcement du contrôle sur les acteurs locaux qui se fait de façon assez, assez marquée finalement. Voilà, donc ce processus de rationalisation, donc à la fois économique, juridique, il accompagne la bureaucratisation du secteur bancaire, et ça c'est un troisième élément, je pense, qu'il faut mettre en évidence pour comprendre comment est-ce que, c'est vrai, cette modification des pratiques, c'est aussi accompagné d'une modification des structures bancaires. Cette bureaucratisation, alors elle passe par la consolidation du secteur bancaire qui, après de multiples crises dans les années 90, a vu tout un tas de faillites. Je pense que le rôle des faillites, il faudra étudier ça, le rôle des faillites dans l'évolution des pratiques bancaires, ça doit être quelque chose d'intéressant, une piste intéressante à étudier. Donc une évolution des structures avec une concentration et en même temps la diffusion des structures bancaires sur tout le territoire de la Russie. Effectivement, les grandes banques ont essayé d'étendre leur réseau donc sur tout le territoire de la Fédération. Ce qui implique que, pour elle, les outils de normalisation, finalement, sont des outils indispensables pour arriver à contrôler et à garder le contrôle sur les structures bancaires. Et de ce point de vue-là, le scoring est presque plus important dans le contrôle peuvent effectuer les centres, enfin les centres sur les filiales bancaires. Il apparaît comme aussi important pour ce contrôle-là à l'intérieur de la structure bancaire et des hiérarchies bancaires que en termes d'évaluation du risque, qui parfois n'est pas aussi sans doute efficace que ça pourrait qu'on pourrait le penser au premier abord. Donc cette bureaucratisation, elle est très liée finalement à cette normalisation juridique et cette normalisation économique. Voilà. Alors, peut-être que je vais expliquer en quelques mots pour Josh. So in that context, when we studied how banks did cope with this problem of information, of trust, and of giving credit to customers, new customers that they didn't know before, or new firms that they didn't knew before, our findings were that there is a low, as I said, process of enforcement of law, and besides the process of risk management in enforcement, of course, risk management is described by especially by the American literature. In Russia, as we said, we talked about Alia Guseva. She described this process, but we wanted to find to show, and that was very striking on the field. We wanted to show that the law process, the enforcement of law, and the rising importance of law in the process of giving in decision of giving the credit was very striking for us, and that means that the bank is beginning to becomes an actor of the strengthening rule of law in Russia. That's that was interesting to us. Besides new professions and the professionalization of that market's credit, with the rising importance of lawyers, of notaries, and also a few professions that help people to get credit and to first register their identity, register their property also, because in the Russian context, all the land was not registered, and people began to register their property, and these professions, law professions, were very important to get that that property properly registered in the different commissions that are state commissions. But there were intermediate professions that helped, because it's a very long and complicated process. There were those professions that helped these people to get all registered, their land, property, and also firms. So this process, the credit market and the explosion of the credit market is also participates to that the strengthening of the rule of law in Russia, as we that was one of our findings. and the second aspect is that there is a process of bureaucratization in Russia at the time where the credit exploded. The banking sector began to grow and to create new agencies on the territory of the Russian Federation, which is very big, as you know. So that's at first they were concentrated in Moscow and on the richest region of the western part of the country. And after they began during the 1990s, and especially after the crack, they began to create new filials. Branches in all the regions of the Russian Federation. So that process of bureaucratization is parallel to the rising importance of the rule of law and the rising importance of the risk management. It helped directions of these banks to keep a control on all the branches that are very far from the center, and that helped to get the process of the decision of the credit to keep the, its process impersonalized. So to prevent people on the fields and in little towns or little and small towns to give credit to people they know, they knew, and not to credit to other people. And so the scoring and the all these practices of rationalization, they helped the center of these banks to keep control on the, all the branches. So that's I think that's important to prevent all the big crashes that existed in the banking sector in the 1990s in Russia. Voilà, alors, donc, bureaucratisation, voilà, j'en étais là, bureaucratisation, rationalisation juridique, rationalisation économique, donc ça, tout ça, c'est tout à fait important, mais il faut articuler ça à quelque chose qui nous a quand même très, très surpris sur le terrain, et qui est décrit, alors, dans la deuxième partie de ce texte, qui est le recours à... ce type de renseignement, alors on en parlait tout à l'heure à travers l'article de Josh aussi, ces renseignements sur plus informels, alors on ne sait pas vraiment trop bien comment les qualifier, et qui sont en fait ces renseignements qui viennent compléter en fait les renseignements économiques, les renseignements juridiques qui sont collectés par les responsables du crédit et qui là dans ces banques il y a une sorte de troisième acteur indispensable et qui est tout à fait central pour obtenir du crédit, qui sont ces Bezpečnosti, c'est-à-dire donc ces services de la sécurité intérieure sans lesquels rien ne se fait dans l'attribution du crédit. Alors, finalement, alors comment est-ce qu'on pourrait les présenter ? C'est une sorte de des gens qui remplissent une fonction de renseignement, comment dire, de renseignement. C'est compliqué. Alors, est-ce que c'est un renseignement informel ? Non, pas forcément. Parce que finalement, ce sont des gens qui sont, vous allez comprendre, qui sont issus le plus souvent des services de sécurité et des structures de force. Alors, ce sont des anciens du FSB, par exemple, du service de renseignement. Ce sont des anciens de la police. Ce sont des anciens de l'armée qui, grâce à leurs contacts dans les anciennes structures, arrivent à obtenir des renseignements qui viennent compléter en quelque sorte le dossier de crédit des demandeurs de crédit. Mais de type casier judiciaire ou des choses comme ça. Alors, c'est effectivement des renseignements qui normalement ils n'auraient pas le droit de les obtenir. C'est tout en fait. C'est les infractions à la police de la route par exemple. C'est un espèce de mélange d'informations à la fois publiques qui circulent partout. Publics, mais qui sont pas officiels. C'est aussi des informations privées. Par exemple, est-ce que celui qui me demande du crédit, est-ce que son fils a fait son service militaire, par exemple ? Est-ce qu'il a eu une infraction au code de la route ? Est-ce que... Enfin, c'est des informations comme ça qui sont utilisées par les services donc d'octroi du crédit, enfin les départements de crédit, pour venir confirmer, infirmer les informations juridiques et économiques obtenues alors par les économistes donc ou responsables du crédit ou alors les juristes de l'entreprise, de la banque, pardon. Donc ça, c'est vrai que c'est tout à fait surprenant que cette structure est où finalement voilà les, alors il y a aussi des informations voilà sur le casier judiciaire criminel enfin c'était des informations qui viennent soit de sources publiques soit aussi de sources privées et il y a tout un tas de bases de données illégales qui circulent sur internet qui sont acquises par ces structures et qui voilà cherchent à permettre de se renseigner le plus possible sur ces personnes et sur leur structure, sur le fonctionnement de leur société, sur la relation, sur... voilà. Alors, comment interpréter cette question-là et cette... cette spécificité.